comme ci, comme ça, du bout des doigts, c'est du passé. Le jour s'est enfin levé, pour toi et moi, pour notre émoi, pour notre été. Ta façon d'aimer fatigue, de me blouser, me refuser, est bien fini. Question de goût dépend surtout de notre vie.